C'est ça le tawhid. C'est cette dimension-là aussi de savoir avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'on n'a plus peur des hommes. La tarshaou ou warshaou. N'aie pas peur d'eux, mais peur de moi. Et quand tu as peur de lui, tu es libre de tous les hommes. Voilà le secret de l'islam et du tawhid. Et peur de Dieu, comme ça plus aucun homme ne t'effraie. Plus aucun. Plus aucun sur la terre, si tu es avec lui. Mais tant que dans ton cœur il y a la peur d'un homme, tant que dans ton cœur tu n'as pas atteint la dimension de l'unicité avec Dieu, alors il y a quelque chose qui s'apparente à du shirk. Il y a quelque chose qui parasite ta foi.